Ici Jacques Beauchamp, aujourd'hui l'histoire Alexandre le Grand, dit Alexandre le Conquérant. Il y a beaucoup de conquérants dans l'histoire. Mais ce qui est extraordinaire, c'est que Alexandre n'était pas un conquérant. Il s'est trouvé l'inventeur de ce que l'on appelle aujourd'hui le mondialisme. C'est-à-dire l'idée de créer un empire universel où les civilisations se fusionneraient et s'épauleraient les unes les autres. Et c'est lui qui a eu le premier cette idée dans l'histoire de l'humanité. Ah, c'est le premier. L'auteur Jean-Benoît Méchain à l'émission Apostrophe animée par Bernard Pivot en janvier 1977, la vraie grandeur d'Alexandre tiendrait donc plus de son génie politique que de son génie militaire. Qu'a retenu l'histoire d'Alexandre le Grand? Qu'est-ce qui a fait sa grandeur, justement? Et pourquoi arrive-t-il toujours en tête de liste des personnages les plus connus de l'histoire du monde? Ici aujourd'hui pour combattre en libre macédonien. Parmi nous, certains, et peut-être moi-même, ne verront pas le soleil se coucher sur ces montagnes ce soir. Mais je ne vous dirai qu'une chose. Une chose que savent tous les guerriers depuis l'aube des temps. Dominez votre peur! Et je vous promets que vous serez plus fort que la mort! Ouvrez-vous battu si bravement, vous pourrez dire: ce jour-là, j'étais à Gaugamel. Pour l'honneur, la liberté et la gloire de la Grèce! L'acteur Colin Farrell interprétant le personnage d'Alexandre le Grand dans le film d'Oliver Stone, Alexandre, réalisé en 2004. Dans cet extrait, Alexandre galvanise ses troupes juste avant la décisive bataille de Gaugamel. Pour nous parler de l'importance et du génie d'Alexandre le Grand, je reçois l'historien et ami de l'émission Raphaël Welland. Raphaël Welland, bonjour. Bonjour, Jacques. Alors, Raphaël, c'est vrai que Alexandre le Grand, c'est probablement, il fait probablement partie des 5 ou 10 personnages les plus connus de l'histoire. Pourquoi? Qu'est-ce qui fait que son nom soit aujourd'hui encore si connu? Bien évidemment, l'un des avantages d'Alexandre, c'est qu'il est agi sur plusieurs continents, de telle manière que des personnes, d'un bout à l'autre de ce qui était son énorme empire, de l'Albanie jusqu'au Pakistan, de l'Égypte jusqu'à l'Ouzbékistan, se souviennent de son nom. Que dans les cultures iraniennes, égyptiennes, syriennes ou grecques, il demeure donc un personnage. Alors bien sûr, il est demeuré surtout le grand conquérant venu de la Grèce, du royaume de Macédoine. Il est le personnage donc qui a unifié cet énorme empire jusqu'à l'époque des Mongols. Bien longtemps plus tard, ce sera le plus grand empire terrestre. Mais il y a aussi cette idée d'avoir réuni des peuples divers, d'avoir laissé un héritage culturel, d'avoir laissé un souvenir, qui est d'ailleurs parfois divergent selon les différentes régions. Et cela fait qu'encore aujourd'hui, des gens jusqu'en Inde appellent leur enfant Iskander, c'est-à-dire la version iranisée d'Alexandre. Ouais, donc, un bilan, une œuvre, un héritage important, plus qu'important, sans compter le côté spectaculaire, Alexandre le Conquérant, la fulgurance de son ascension, tout ça, ça fait partie du mythe. Oui, absolument. Alexandre, c'est aussi une sorte de tragédie vivante, ou en tout cas, c'est ainsi que les sources ont voulu nous le présenter. C'est le personnage qui réussit tout mieux que tout le monde, une sorte de surhomme, mais qui en même temps paie le prix par la fulgurance de sa vie. Il meurt à peine 32 ans. C'est quelqu'un aussi qui paie le fait d'être le plus grand, le plus puissant, par le fait aussi d'être souvent colérique, de souvent toucher au désespoir, de massacrer aussi beaucoup de personnes. Donc un personnage avec 2 figures, un personnage donc qui laisse une trace très importante dans l'histoire. Ouais. Et ce parcours, ce destin hors du commun, il est presque prédestiné justement à le vivre, parce que bon, il naît d'abord en 356 avant Jésus-Christ. C'est le fils de Philippe, roi de Macédoine, et très très jeune, on le prépare déjà, Raphaël Welland, à succéder à son père. En effet, Alexandre est vraiment quelqu'un qui va pouvoir s'appuyer sur l'éducation, à la fois intellectuelle, physique, politique que va lui assurer son père, mais aussi sur l'héritage que son père lui lègue. Un héritage qui va effectivement permettre à Alexandre de se lancer dans son épopée, mais qui va aussi laisser à Alexandre toutes sortes de petits problèmes à régler, y compris des problèmes familiaux, des problèmes internes à la famille royale. Alexandre naît donc le 20 ou le 21 juillet, entre 356 avant Jésus-Christ, à Pella. Il est le fils de Philippe et de sa quatrième épouse, déjà, Olympias. Si Philippe a quatre épouses, c'est qu'il pratique la polygamie. Une polygamie qui lui permet de se séparer symboliquement des autres hommes, mais qui surtout lui assure de nombreuses alliances. Il a de nombreux beaux-pères qui peuvent l'aider dans les batailles et ne pas l'attaquer. Et surtout, ça lui assure une descendance masculine à une époque où les enfants meurent régulièrement en bas âge, les femmes à l'accouchement, etc. Le problème, cependant, c'est que lorsque vous avez plusieurs épouses et beaucoup d'enfants, peut-être que vous en aurez un qui arrivera à l'âge adulte, mais en attendant, cela veut aussi dire que, puisqu'il ne peut y en avoir qu'un qui va hériter, eh bien, il y a des rivalités entre les épouses, il y a des rivalités entre les enfants. Beaucoup de successeurs possibles au trône. Absolument, tout à fait. Et d'ailleurs, en fait, ça fait partie de l'éducation d'Alexandre de vérifier celui qui sera le plus fort et qui donc réussira à s'emparer du trône à la mort du père. Cela va mener à des tensions familiales. Olympias aura beaucoup de difficultés avec son mari. Elle lui reproche d'avoir d'autres épouses, mais ce n'est pas tant de la jalousie. C'est plutôt la peur d'être remplacée, d'être exécutée et son fils avec elle. Ouais. Donc ce n'est pas simplement de la jalousie féminine, ce qui a souvent été présenté, mais plutôt une question vraiment de politique familiale. Et Alexandre baigne là-dedans dès sa jeunesse. Ouais. Donc à la mort de son père, c'est finalement lui, l'heureux élu, qui héritera du royaume que lui laisse son père. Parlons un petit peu de ça. De quel royaume hérite Alexandre à la mort de son père? Alors, évidemment, à la mort du père, il y aura des suspicions. Hein. On a déjà parlé de ce genre de problème. Mais si Philippe laisse à son fils des troubles familiaux, il lui laisse aussi un royaume solide et une solide éducation. Le royaume de Macédoine, de Philippe, est un royaume qu'il a constitué presque seul. Lorsque Philippe monte sur le trône, le royaume est presque à l'agonie et il réussit, par ses mariages, par sa volonté, à le redresser et en faire la principale puissance des Balkans, un royaume qui s'étend, au moment de la mort de Philippe, sur l'actuelle Bulgarie, Albanie, Macédoine du Nord et Grèce. Si Philippe a réussi ce coup d'éclat, c'est que pendant 25 ans de règne, il a déjà réglé les problèmes de succession. Il a organisé par une diplomatie pragmatique des guerres constantes l'agrandissement du royaume, mais aussi parce qu'il a créé une nouvelle armée qui n'existait pas auparavant. L'armée macédonienne avant Philippe, c'est une armée qui est surtout constituée de cavaliers, mais dont les fantassins sont mal armés, à la fois parce que ça coûte cher, un équipement de fantassins, mais aussi parce que si les fantassins, qui sont des paysans, étaient bien armés, bah, ils pourraient renverser l'ordre des nobles sur leurs chevaux. Les voisins de la Macédoine, les cités grecques, combattent en phalange, une formation dans laquelle des centaines d'hommes cuirassés de bronze se tiennent au coude à coude, protégés par un énorme bouclier de chêne qu'on appelle hoplone et qui donne le nom d'hoplite pour ces guerriers grecs. Tout cet équipement-là, il coûte cher, trop cher pour la Macédoine, trop cher pour les paysans macédoniens. Mais ces fantassins sont très utiles aux Grecs et ils leur permettent de repousser les Macédoniens à répétition. Philippe trouve la parade. Plutôt qu'un équipement défensif très coûteux, le bouclier, les jambières, etc., il offre à ses fantassins de très longues lances, 4 à 6 mètres, qui leur permet d'économiser sur l'équipement défensif, mais d'être tout à fait mortel pour ceux qui se trouvent à distance d'eux. Les cavaliers macédoniens vont rabattre leurs adversaires sur cette phalange, comme un marteau sur une enclume, et ainsi cette armée donc, sera continuellement victorieux sur les champs de bataille. Parce que cette longue lance, ça paraît banal comme ça, mais c'est une petite révolution sur le plan de la stratégie militaire à ce moment-là. Absolument. Donc, il hérite de ce royaume, Alexandre, à la mort de son père, mais quand même, avec ce que vous nous disiez un peu plus tôt, il doit consolider sa place parce qu'il n'est pas seul. Il a des frères qui peuvent aspirer à le remplacer. Comment réussit-il à rester en place, en fait? Eh bien, il le réussit d'abord en s'assurant que son père continue à le soutenir. il, à plusieurs reprises, se lance dans des exils, dans des colères avec son père. Et donc avant même la mort de son père, il s'assure d'être le successeur, en fait. Oui, tout à fait. Même parfois, il va en venir à, pas forcément comploter contre son père, mais à être très inquiet de toute manifestation qui pourrait aller contre le fait qu'il soit le seul roi. Parce que s'il ne devient pas le roi, bah, probablement il sera égorgé par l'un de ses frères. Oui. D'ailleurs, lorsque son père meurt, son père est assassiné en 336, il y a des rumeurs qui voudraient que ce soit Alexandre qui peut-être est trempé là-dedans, ou Olympias. Cela dit, Philippe a tellement d'adversaires, tellement d'ennemis que ça pourrait être n'importe qui d'autre. Dans tous les cas, Alexandre réagit avec la rapidité et la décision qui va devenir habituelle avec lui. C'est-à-dire que très rapidement, il s'empare du trône. Brutalement, il exécute tous ceux qui pourraient se trouver sur son chemin. Ses frères, ses cousins, un certain nombre de nobles qui pourraient se mettre donc en travers de sa route. Et ensuite, organise une tournée des différentes provinces, exécute des leaders locaux, détruit un certain nombre de villes, par exemple la grande ville de Thèbes en Grèce, qui s'était imaginé qu'avec le jeune roi, elle allait pouvoir avoir plus d'espace de manœuvre que contre le vieux Philippe, et ainsi, ayant terrorisé tout le monde, eh bien, s'empare véritablement du pouvoir. On est en 335, en fait, ça lui prend vraiment un an pour se mettre en place. Donc ça s'appelle asseoir son pouvoir. Une fois qu'il est bien installé, apparaît le conquérant, Alexandre le conquérant, avec cette offensive contre le très puissant royaume de Perse. C'est assez audacieux à ce moment-là de s'attaquer au royaume de Perse. Pourquoi se lance-t-il dans cette aventure? C'est que Alexandre, bien qu'on le connaisse aujourd'hui comme le grand conquérant, la situation d'Alexandre au moment où il monte sur le trône, et même un an plus tard, lorsqu'il a donc coupé toutes les têtes qui dépassaient, la situation d'Alexandre demeure précaire. L'armée que son père lui laisse est puissante, certes, mais c'est aussi un instrument dangereux. Les soldats que Philippe a menés sur les champs de bataille pendant 25 années sont des soldats gavés de butin qui ne peuvent retourner à la vie civile car ils ne pourront jamais trouver un moyen leur permettant de gagner aussi bien leur vie que cette guerre très lucrative. Ouais. Donc l'armée exige plus de conquêtes et encore plus de conquêtes et encore plus de conquêtes. Alexandre est d'autre part un jeune roi qui doit essayer d'acquérir un prestige lui permettant d'éviter les complots des nobles. Et enfin, le royaume qu'il vient juste de remaintenir en place, que son père a conquis pour lui pendant 25 ans, ce royaume est encore fragile. Les cités grecques, les tribus du nord des Balkans, n'attendent qu'un signe de faiblesse pour se rebeller. Il faut donc, Alexandre, de l'argent pour ses soldats, du prestige pour contrer les complots, et cela, Alexandre peut le trouver en Perse. Donc, une fois la décision prise, il commence ce qui sera en fait une longue marche, on parle encore une fois d'Alexandre le Conquérant, cette longue marche d'Alexandre vers le cœur de l'Empire perse. Comment ça se passe? Comment ça se déroule, cette longue marche, Raphaël Wallande? Alexandre part de Péla, et donc de la Macédoine, avec à peu près 40 000 soldats, au printemps, en mai 334. Rapidement, il débarque dans ce qui est l'actuelle Turquie, et là, il se rend compte de ce qui est, probablement qu'il le savait déjà en réalité, mais on se rend compte, nous comme historiens, de ce qu'était la faiblesse de l'Empire perse. L'Empire perse est énorme, il s'étend à l'époque de la Turquie jusqu'au Pakistan actuel, mais c'est un empire dont l'administration est très décentralisée, les rois perses n'ont pas les moyens techniques, téléphone, internet, etc., évidemment, pour pouvoir administrer cet énorme empire. Ils ont délégué beaucoup de pouvoir aux autorités locales, et pour éviter que ces autorités locales ne se révoltent contre le roi perse, eh bien, ils ne laissent que des troupes de faible envergure dans les provinces, surtout les provinces les plus lointaines. Alexandre a donc une grande facilité à s'emparer des premières provinces, les provinces périphériques de l'Empire, ce qui serait aujourd'hui la Turquie. L'Empire perse reposait sur le fait que le roi rassemble son armée pour s'opposer aux envahisseurs potentiels extérieurs, mais ça prend longtemps de rassembler les troupes, ça prend longtemps de les amener depuis l'Iran jusqu'en Turquie, et pendant un certain temps, donc Alexandre est seul sur le champ de bataille jusqu'à un certain point. Et chemin faisant, Alexandre décide, et c'est un incontournable, si on consacre une émission complète à Alexandre le Grand, on ne peut pas ne pas parler d'Alexandrie. Il fonde, donc il crée cette ville dans l'élan que lui procurent ses conquêtes et cette marche. Après Tyr, je voulus que le monde sache que je n'étais pas qu'un fléau. Nous descendîmes en Égypte jusqu'à atteindre le delta du Grand Nil. C'est sur ces terres que je choisis de jeter les fondations de ma ville, Alexandrie. Alexandrie pour offrir au dieu à qui j'avais envié Tyr une ville princière, comme un joyau d'étoffe, d'or et d'épices mêlées. Alexandrie qui pourra témoigner au monde que je n'étais pas qu'un chef de guerre, mais aussi l'architecte d'un continent à venir. J'ai dessiné moi-même les plans de la ville. Un phare immense qui puisse se voir jusqu'en Crète. La plus grande des bibliothèques. Je voulais des milliers d'ouvrages. Que tout ce que l'homme sait soit à l'abri de ses murs. Extrait du documentaire Alexandre le Grand, le Macédonien, réalisé par Bernard Georges et diffusé à la chaîne Arte en 2011. C'est en 332 avant Jésus-Christ qu'il a fondé la ville d'Alexandrie en Égypte. On l'entend bien dans cet extrait, Raphaël Wallan, on entend l'ambition, on entend la volonté de l'aigle, la volonté de passer à l'histoire. Qu'est-ce que ça représente pour Alexandre, la fondation d'Alexandrie? En fait, la fondation d'Alexandrie, Alexandre la décide, mais elle est vraiment fondée, elle est vraiment organisée par ses successeurs. Néanmoins, c'est une certaine manière un point tournant pour Alexandre. C'est à partir de ce moment où il s'empare de la Syrie, après la Turquie, puis de l'Égypte, où on peut dire que véritablement il est là pour rester, il est là pour s'installer et peut-être pour conquérir le reste de l'Empire perse. Et à partir de ce moment-là, il met en place une politique qu'il a héritée de son père, c'est-à-dire notamment la fondation de nouvelles villes qui vont pouvoir ancrer le pouvoir, servir en fait de lieu de garnison, de lieu d'appui, qui vont permettre d'appuyer le nouveau pouvoir. Philippe l'avait fait en Grèce, Philippe l'avait fait en Bulgarie, Alexandre le fera en Égypte, mais il le fera aussi un peu plus loin, vers ce qui est aujourd'hui l'Irak, vers l'Iran, oui, et plus loin encore. Et dans ces conquêtes successives, dans cette marche d'Alexandre, arrive une date très, très importante. Il y a vraiment un point de bascule, le moment où, au fond, l'Empire perse est défait. C'est 331 avant Jésus-Christ, c'est la bataille de Gaugamel et d'Arbel, et c'est le moment fatal pour son grand rival, dont on n'a pas parlé, Darius III. Que se passe-t-il à ce moment-là? Alors, je l'ai dit, l'Empire perse est un géant au pied d'argile, un géant donc qui a des problèmes politiques internes. Il faut régler les rivalités avec les souverains locaux. Darius, lui, est un jeune prince, comme Alexandre, un peu plus vieux, mais qui a pris le pouvoir la même année, en 336. Il a eu, avant cela, une carrière essentiellement civile, et il a pris le pouvoir suite à une intrigue de palais. C'est donc quelqu'un qui est lui-même, qui a lui-même un pouvoir précaire, son pouvoir est fragile et il a de la difficulté à s'organiser. Il ne peut pas se lancer dans une contre-offensive immédiate parce qu'il lui faut d'abord ancrer son pouvoir, ouais, s'installer véritablement en Perse même. Il va essayer une première fois de s'opposer à Alexandre en 333. Il est battu assez rapidement. Ça ouvre à Alexandre les portes de la Syrie et de l'Égypte. Et avec une deuxième armée, celle-là vraiment plus importante, c'est la vraie armée royale cette fois-ci, il affronte Alexandre dans les plaines du nord de l'Irak, disons le Kurdistan actuel. Et là encore, il est vaincu. Pourquoi est-il vaincu ? L'armée macédonienne est trop bien entraînée. Elle a 25-30 années de combat derrière elle, alors que l'armée royale perse est une armée qui n'est jamais organisée, qui n'a presque jamais à combattre en réalité, parce que, eh bien, il n'y a personne qui ose rivaliser avec les Perses depuis plus d'un siècle. Alors, un grand combat, c'est quelque chose de normal pour les Macédoniens, c'est quelque chose d'inhabituel pour les Perses, et ils sont vaincus en une journée. Ouais. Et ce sera donc ce point tournant à Gaugamel et Arbel. Et puis ensuite, ça se poursuit. Il va poursuivre plus loin encore, Alexandre, en faisant d'autres conquêtes, chute de Babylone, Suse, Persépolis. On boucle déjà la boucle de cette émission, Raphaël Wallan. Au tout début de l'émission, l'auteur français Jean-Benoît Méchain attribuait la grandeur d'Alexandre à son génie politique en disant, je vous le rappelle, que plus qu'un conquérant, Alexandre avait d'abord été le premier mondialiste de l'histoire. C'est comme ça qu'en parlait Jean-Benoît Méchain. Dans la même veine, on écoute Gérard Chalien à l'émission Au fil du temps en janvier 1991. C'est vraiment le très grand capitaine de toute l'Antiquité gréco-romaine et même en tout cas du côté occidental, c'est-à-dire à cette époque-là la moitié du monde, puisqu'il arrive jusqu'en Inde. Hein. C'est un type immense du point de vue militaire. C'est-à-dire qu'au lieu de se livrer comme les Assyriens à la destruction absolue, à l'esclavage, etc., ils se rendent compte que pour eux, le plus intelligent, et ça c'est une part du génie d'Alexandre, c'est de coopter les vaincus, c'est-à-dire de leur offrir un statut en disant « bon, ben, vous êtes vaincus militairement, mais on ne veut pas vous humilier, on ne veut pas vous exploiter entièrement, on vous propose en quelque sorte des intermariages, on vous propose une place dans l'administration de l'État, etc. » Et grâce à cela, son empire de son vivant n'a pas ces grandes insurrections qu'on rencontre si fréquemment dans les conquêtes ailleurs où il y a une farouche résistance, notamment dans les terrains montagneux, etc. Alors, à quoi tient donc le génie d'Alexandre le Grand, Raphaël Whelan? Parlez-nous, par exemple, davantage de cette politique de fusion raciale qu'évoque Gérard Chalien dans l'extrait qu'on vient d'entendre. Eh bien, ce qu'il faut comprendre, c'est qu'Alexandre n'est pas un multiculturaliste avant la lettre. Alexandre est avant tout un pragmatique. Et il comprend, mais il faut comprendre que c'est quelque chose que lui lègue son père et que Philippe avait pris chez d'autres rois avant cela. Alexandre comprend que s'il laisse aux Perses une place dans son empire, aux Perses, mais avant ça les Égyptiens, mais avant ça les Syriens, eh bien ceux-là ne lui résisteront pas trop. Et effectivement, Alexandre va lui-même épouser une Iranienne, qu'on appelle Roxane, avec laquelle il aura un fils. Il va organiser des mariages pour ses généraux. Il va intégrer une partie du cérémonial perse à son propre cérémonial royal. Il va laisser courir des rumeurs comme quoi il serait peut-être un lointain prince perse. Il va laisser des officiers perses servir dans son armée. Il va désormais agir auprès des Perses comme un roi perse, ouais, tout en continuant auprès des Macédoniens à agir en roi macédonien. Il devient une sorte de caméléon et cela lui permet effectivement de régner sur un énorme empire. Ouais. Ceci étant dit, c'est une politique que lui-même n'a attestée que pendant quelques années. En effet, Alexandre va, après à peine 3 ans de véritable contrôle de l'Empire, donc il finit par contrôler vraiment cet empire en 327, et en 324, déjà, Alexandre meurt, probablement des fièvres, quoique avec un énorme personnage comme celui-ci, il y ait bien sûr eu tout un ensemble de rumeurs, ouais, toutes sortes d'adversaires, etc. Ça avait été le destin de son père, c'est son destin à lui, ce sera le destin de beaucoup d'autres. On peut dire, et c'est l'opinion des historiens, qu'Alexandre vivait un rythme de vie, un style de vie qui explique à lui seul, ouais, sa mort, quelqu'un qui brûlait la chandelle par les deux bouts, et il n'y a pas besoin d'amener des empoisonneurs par-dessus ça. Et que devient son empire après sa mort? L'empire lui-même va rapidement être dissous, en tout cas l'héritage politique. L'idée d'un empire unique, de l'Albanie jusqu'au Pakistan, est détruite dès le lendemain de la mort d'Alexandre. Son corps n'est pas encore froid, que ses généraux sont en train déjà de dépecer l'empire. Mais Alexandre va laisser derrière lui un héritage culturel, lui, absolument extraordinaire. D'abord, il y a cette idée de fusion, le fait que des idées vont se propager, certaines donc de l'Orient vers l'Occident, d'autres de l'Occident vers l'Orient. Je parle de la langue grecque, je parle de certaines méthodes astronomiques qui vont se diriger de la Babylonie vers la Grèce, je parle de la représentation humaine des dieux, par exemple la première représentation de Bouddha en être humain, elle vient de ces Grecs qui, ouais, amènent leurs images de dieux qui sont des êtres humains jusqu'en Inde. Donc il y a une influence déterminante et qui dépasse très largement le personnage et sa courte mais brillante vie. Raphaël Whelan, historien, ami de l'émission, spécialiste du Moyen-Orient antique, merci beaucoup. Je vous remercie, Jacques. Merci également à Mathieu Beauchamp, la réalisation de cette émission, à la recherche Caroline Morin et André Martineau, au site Internet Olivier Lalande. Si vous avez envie d'écouter ou de rattraper nos émissions, vous pouvez le faire sur le site Internet d'Aujourd'hui l'Histoire ou en vous abonnant à notre balado-diffusion. Ici Jacques Beauchamp, je vous dis à la prochaine.